En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre La musique expliquée aux aliens sur la Radio Parfaite avec, aujourd'hui, un module conçu et réalisé par Inès Boudet. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Terre Aliena. Aujourd'hui, je vous parlerai de comment la musique évolue à travers la planète Terre. La musique existe de par le monde. Elle occupe une place essentielle, que ce soit au niveau culturel ou spirituel. Ainsi, nous pouvons observer qu'elle joue un rôle spécifique selon les pays. Par exemple, en Mongolie, nous pouvons entendre le chant diphonique, qui est une technique vocale qui permet de changer son timbre de voix en utilisant deux fréquences différentes, un bourdon grave, produit par la gorge, et des harmoniques aiguës, produites par l'amplification et la résonance. Il y a dans ces chants une dimension spirituelle forte liée à une forme proche de la méditation pratiquée au Tibet. La musique sert pour la plupart du temps à faire passer un message. Notamment en France, où le texte a un rôle à part entière pour exprimer des émotions ou raconter des histoires, comme nous le montre bien Jacques Brel, en nous faisant vivre émotionnellement des histoires. Jacques Brel. Comme dans Ne me quitte pas, dans laquelle il veut reconquérir son amour perdu. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Cependant, les histoires peuvent être plus légères que celles que l'on vient d'entendre, comme l'on peut entendre en Russie avec la musique Kalinka, qui est une chanson d'amour légère et amusante à la fois. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, le rythme accélère au fur et à mesure. Le rythme traduit dans l'espièglerie de l'histoire qui nous est contée. Elle est donc un vecteur de joie et de danse. Ainsi, nous pouvons nous intéresser au rythme en musique selon les pays. Au Brésil, comme en Russie, le rythme prend une part intégrante dans la musique. Elle y sera symbole de fête et de danse. Brésil, Russie, nous pouvons prendre l'exemple de la samba, un genre de musique très représentatif de la musique brésilienne. La samba est faite pour être dansée. Samba, brésilienne, samba. Samba. En Afrique, les percussions permettent de danser. Elles accompagnent souvent les chants. Mais contrairement au Brésil, les styles de musique pratiqués en Afrique puisent leur source principalement dans des rites initiatiques ou de mariage. Ils fondent donc leur musique par une portée spirituelle. Afrique. La spiritualité amenée par les religions a beaucoup apporté à la musique. Dans les pays bouddhistes, la musique s'est inspirée de sons s'approchant des mantras, mais aussi des sons de la nature. Ils utilisent pour cela le mode pentatonique. Tout comme les musiques d'Asie orientale, en Occident, le jazz puise aussi son origine dans des chants inspirés. Il s'agit du chant des esclaves dans les chants de Canton. Asie orientale, Occident, jazz. Le jazz est aussi une musique inspirée dans le sens où elle utilise l'improvisation. On peut donc parler d'une inspiration de l'instant. Jazz. She, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet,